yeah. Swift got Paco. Yeah, Chenos. Yeah. Si le président participait à vie ma vie, il serait déçu de voir des tours et de la misère en vis-à-vis. Car ici c'est la zizanie, ça coule comme le Titanic. Dans mon rap, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai même flippé ma petite amie sans prévenir la flic Haïti. On trim et touche la crise dans le brouillard, vis X. Le crâne caché sous le pare-brise, rechasser les immigrés, c'est ce que tous les trouillards disent. Mes espoirs sont dénigrés, donc je fais preuve de débrouillardise. Elle est vitale, bancaire, ma carte n'est pas VIP. On est craintif et sédentaire, mais sache convaincre petit à petit. Pour eux c'est élémentaire, faut nous mettre en psychiatrie. 9-3 mon indicatif, arme lourde. Les cicatrices, c'est de toute délicatesse, c'est la thèse irascible. On est loin des petits caprices, des grosses caisses et puis facile. Je dégaine et puis facile, j'ai l'appareil qui te vaccine. Imagine, j'ai la tête pour un tube, white machine. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, 3 pour toute ma troupe, 4 pour les barbares. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, cherche la faille comme le trou qui cherche un pacmar. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, 3 pour toute ma troupe, 4 pour les barbares. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, cherche la faille comme le trou que cherche un Pac-Man. Comme un poumon, moi je m'accroche, je suis plein d'extatèmes. Je crois bien que ça cloche, ma vie tiens reste la même. Je remplis mes poches, vite la bague se ramène. Plus ma droite, vite à gauche, vite ma boîte crânienne. Malade, tel un squal des rues de Paname. Je veux pas gaffer tu n'es qu'un c'est le cul de Marianne. Paria, t'es tu, faut que j'écoule ma gamme. Que le macadam se défoule et que les foules m'acclament. Macabre, tout ce que je balance est en sombre. Calme d'apparence, trop de sale pensée m'encombre. Je travaille, j'ai la patience, les temps longs. Sache qu'on cherche la faille, marre d'avancer dans l'ombre. 1 pour la marmaille, 2 pour la marmite, 3 pour la plus grave, 4 pour que ça parte vite. J'rapplique, j'ai nos à la prod, c'est plat de vide. Bad trip, on s'agrippe entre drogue et trafic. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, 3 pour toute ma troupe, 4 pour les barbares. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, cherche la faille comme le trou qui cherche un pacmar. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, 3 pour toute ma troupe, 4 pour les barbares. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, cherche la faille comme le trou que cherche un Pac-Man. La faille, la brèche, une vie qui nous agresse. Alors abrège nos souffrances avec la rage ou la peste. Car en cage, j'acquiesce, non j'ai pas retourné ma veste. Moi j'ai cherché le paradis, mais j'ai pas trouvé l'adresse. Mais me parle pas de paradis, ça frise la barbarie. J'y coffre toute la farine qui se bigrave par baril. Regarde la rue, la crise s'empare Paris. Le tiercard n'a pas eu, j'favorise la larine. La faille, la brèche, une vie qui nous agresse. Alors abrège nos souffrances avec la rage ou la peste. Car en cage, j'acquiesce, non j'ai pas retourné ma veste. Moi j'ai cherché le paradis, mais j'ai pas trouvé l'adresse. Mais me parle pas de paradis, ça frise la barbarie. J'y coffre toute la farine qui se bigrave par baril. Regarde la rue, la crise s'empare Paris. Le tiercard n'a pas eu, j'favorise la larine. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, 3 pour toute ma troupe, 4 pour les barbares. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, cherche la faille comme le trou que cherche un pacmar. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, 3 pour toute ma troupe, 4 pour les barbares. 1 pour l'entourloupe, 2 pour le traquenard, cherche la faille comme le trou que cherche un pacmar.